lorsque la vie nous prend la gorge, la rage sort de nos bouches. Ouais, je te l'accorde, j'aime pas chauffer le banc de touche. Laisse un peu tourner la zic ou je vais finir à l'asile. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, alors c'est dû aux parasites. Et ouais, les gens, moi je les compare à des moustiques. Ça suce par devant, toujours dans le dos que ça te pique. Pendant que les balles fusent, je me lance dans un nouveau récit. Si ça parle beaucoup, alors normal que nos oressifs. T'as les cartes en main, pourtant la vie te joue des tours. Couper leur paratin, impossible car je me méfie de tout. Face à la mort, ouais, j'en ai tous vulnérables. Les frères perdent le nord car ils ont trop fumé la peur. Sais-tu pourquoi je veux me parer? Car ça tombe pas rond, tout le monde veut te la carrer. Ouais, te la mettre bien profond. Mais comment j'ai pu croire que l'homme avait un bon fond? Je vois pas mal de bouffons, tous font les mecs, te méprisent. Mais si tu perds, ils te boufferont le sexe. Je remets une couche, pense en deck. Le rap ça paye pas, voilà pourquoi on s'endette. Rien à foutre, on s'entête, ouais, on fait ça par plaisir. Le reste on verra bien, y'a peut-être une chance à saisir. La musique c'est la jungle, nous, on est la voix des fauves. Tu veux prendre un truc lourd, faut pas négliger le poids des mots. Pour peser, pas besoin de parler de kilos de shit. Ne fais pas d'illusions, car tu deviens parodile. Quand ma douleur atteint son paroxysme, de l'encre coule. Envie de créer mon vieil, mais non, moi j'ai les boules. Le bonheur se fait la mal et nous, on va en cours. Si on peut pas communiquer comme des bêtes, on en vient en coup. Le coup, je t'ai pas dit que c'était la solution. Cervelle avant les balles, c'est ma proposition. Sers-toi de ta tête avant de servir de tes mains. L'avenir c'est pas la guerre, millions de pertes en sont les témoins. Ouais, t'as qu'une vie, faut pas la cacher. Dire que pour une joie, j'ai failli presser la cachette. Ça sert à rien de vivre dans le passé. Faut aller de l'avant, chaque jour se dépasser. Faut tracer sa route, ne pas ressasser ses doutes. Là c'est de tout, je me tente à casser des bouches, hein. Te mets pas sur ma route, même si t'es blanc comme neige, te ferai danser le zouk. Plus besoin de muscle depuis que l'homme a inventé la poudre. Beaucoup veulent ta peau et même un homme pourrait t'y faire un trou. Ce qu'on veut c'est se parer de la merde, trop de tarés te la mettre. Et toi tu voudrais que je m'arrête, non. La route est longue, les parsemées d'embûches. Tu veux une belle bagnole, mais pour l'instant tu prends le bus. Prends ton mal en patience, tout arrive à point. À qui c'est t'attendre? La vie n'est pas tendre, je vais pas te la prendre. Quand rien ne va, le but c'est remonter la pente. Ne pas déposer les armes, ni s'en mettre une sur la tempe. Je trempe pas dans des business illégaux. J'écris ce texte en vitesse pour évacuer la tristesse de mes rôles.